salé, moi moi des sacs qui c'est ma ta boisson, il pète un galon plein le rein, moi t'entends pas Walka Pépalé, moi moi des sacs qui c'est ma ta boisson, il pète un galon plein le rein, oui, il veut des rifemi, entre dada douce espèce, badou samedi content, à cru le frit à plein des mains, oui, il veut des rifemi. Dada du système, Badou samedi content, à quoi il fait cap mes coucou, Lia.